Analyse du 13 avril 2022, Thierry Pirlo-Sherpawan. Médias mainstream, sous contrôle de l'Alliance. Je pense que c'est le cas. Il est impossible de dire ce que l'Alliance a prévu pour les médias mainstream. Il pourrait s'agir d'une destruction suivie d'une refonte complète ou alors d'une réadministration temporaire de transition, comme pour les gouvernements. Ce qui est sûr, c'est que le narratif s'inverse. Lentement, certes, mais il s'inverse. On le voit tous les jours sur des chaînes françaises totalement corrompues, qui laissent la parole de plus en plus aux dissidents et la place au débat. En revanche, certaines chaînes comme TF1 et LCI conservent une ligne dictatoriale sans faille, probablement pour rendre plus visibles encore les discordances médiatiques entre elles. Je ne pense pas que la destruction des mainstream soit programmée par l'Alliance. Seuls les milliardaires aux commandes sont dans le collimateur, dont beaucoup ont déjà été arrêtés dans le plus grand secret. Les milliers de journalistes collabos ou sous pression et menaces sont de facto responsables de leurs choix, comme le sont tous les médecins. Mais ils sont les idiots utiles du narratif et ne passeront pas à la trappe, sauf certains plus influents qui ont dépassé les bornes. Je pense que les gros médias continueront d'exister, mais sous reprise et tutelle de l'Alliance, avec une ligne directrice profondément modifiée et avec de nouveaux patrons. Peut-être même qu'ils seront à nouveau renationalisés. Certains gros médias disparaîtront probablement, mais très peu. L'Alliance a pour moi déjà repris le contrôle des plus gros médias mondiaux comme CNN, Washington Post, New York Post, Fox News, etc. L'Alliance a aussi repris le contrôle de Facebook, après Twitter, en dégageant leur CEO ou PDG pour les remplacer systématiquement par des éléments de l'Alliance, armée ou civile. Ces médias et réseaux sociaux ne sont que le sommet de l'iceberg mondialiste, des milliers et peut-être des dizaines de milliers de sociétés de par le monde sont reprises en main par l'Alliance. Pourtant, ces réseaux sociaux fonctionnent toujours avec une censure violente, mais contrôlée et à géométrie variable selon le bon vouloir de l'Alliance et du narratif. C'est un grand film, et ce, même dans les médias mainstream. Le bon peuple va se poser de plus en plus de questions, et son raisonnement intellectuel va faire long feu et provoquer un court jus. Les infos vont s'entrechoquer de plus en plus entre ses propres croyances imposées par les mainstream durant des années, et une nouvelle information distillée avec une précision chirurgicale par l'Alliance. Une remise en question se fera ou non, dans les familles et dans les discussions entre collègues au boulot. Le doute s'installera de plus en plus et la vérité sera difficile à encaisser et l'évidence surtout à nier. Ce duel interne va provoquer inéluctablement un choc frontal chez les lobotomisés du bulbe avec leurs fausses croyances, que ce soit sur la vaccination, l'Ukraine, la politique en général et le plus important, sur le scandale mondial des élites pédophiles et du mensonge complet sur notre histoire. Nous assisterons à ce renversement du narratif assez serein, car au fait de ces infos depuis plus de 2 ans, voire plus pour certains. Mais le troupeau vacciné ne va pas trop apprécier le spectacle de la vérité nue, de plus en plus dévoilée, et en totale contradiction avec les choix qu'ils auront faits inconsciemment durant 2 ans et demi, en accordant leur confiance au système et aux bergers pour plus de confort intellectuel. Cette vaccination était le moyen le plus important de marquer le troupeau, et l'Alliance l'a laissé se dérouler comme prévu. Car lorsque celui-ci prendra conscience de son erreur, il ne pourra plus nier sa participation à un moment ou à un autre à cette guerre contre les peuples. Il n'y a plus qu'à prier pour que l'Alliance ait prévu un antidote pour ceux et celles qui reconnaîtront leurs erreurs passées. Le sentiment de trahison sera progressif, mais tout bonnement insupportable à l'arrivée. Le plus courageux, capable de remise en question, surmonteront l'épreuve et rejoindront la dissidence. Les autres disparaîtront, au sens propre ou figuré. Lors des élections américaines de novembre 2020, je pensais sincèrement que cette alliance allait procéder au réveil complet via le EBS, Emergency Broadcast System. Mais il y a eu cette réunion en janvier 2021 où l'alliance, Trump et le Pentagone ont décidé de suivre la tactique du réveil en douceur afin d'éviter toute guerre civile, que ce soit aux USA ou en Europe. Cette EBS reste néanmoins, de mon avis, leur carte maîtresse et le dernier as de pique de l'Alliance pour un arrêt complet du train en gare si cela s'avérait incontournable. Les QAnon n'ont pas apprécié ce changement de tactique en janvier 2021. Cependant, ils ont aussi évolué dans la perception des événements et de l'intelligence militaire et ils ont compris que la violence de la révélation de cette vérité ne pouvait se faire de manière abrupte, sans créer un chaos généralisé, avec un coût incommensurable en vie perdue. La fin du film n'en sera que plus intéressante, car c'est sur des fondations solides que l'on pourra construire le nouveau monde, et non sur des fondations réalisées à l'arrache, sans laisser le temps au béton de prendre. Je pense que c'est le résultat que veut obtenir l'Alliance. Une prise de conscience, lente et subjective, dans le calme, faisant appel au bon sens des moins éveillés, pour aboutir à une révolution réelle des peuples avec le moins de violence possible. Un changement de toutes les structures de manière radicale est en cours dans tous les pays, sans que les citoyens lambda s'en rendent réellement compte. Le tout avec l'accompagnement et le soutien indéfectible d'une minorité éveillée et motivée par le bien de l'humanité, à savoir les soldats numériques et les soldats de la lumière et de la spiritualité que l'on ne peut dissocier du processus en cours. Néanmoins, il est impossible de faire une omelette sans casser des œufs. Même si ce processus extrêmement lent du narratif de l'Alliance produit ses effets inéluctables, il est probable qu'une fois le seuil critique du réveil atteint, cela va créer un chaos de transition temporaire sans précédent, mais nécessaire. Cette épreuve ne se fera pas sans douleur, mais c'est sans commune mesure avec ce que ces psychopathes du Nouvel Ordre Mondial avaient déjà prévu pour nous tous, début 2021. Ordo ab chaos, Sherpa One.